Le chant des bastos fuse. Quand les enculés ont le matos, refuse d'être honnête, donc branche le micro contos. Mec, pas peu à manche de gif. Petit peu, c'est pas un couplet, mais une petite tendue qui se mange leur perte d'une gifle. Joue pas contre ton chiffre, ou le rap va virer à l'africaine. Genre une arme, une cagoule sous la trappe et un pack d'enken. C'est rude, mais tout le monde se ken. Plus ma jeunesse, suffit d'une insulte sur ta mère pour que tous ces mauvaises jeunesse. Même noyé dans la merde, laisse-nous si on flanche. Le cerveau coincé dans la manche, tant qu'on crie et baisse le dimanche. Notre esprit, c'est pas que. Près de ceux qui font la manche, se prostituent. Car être un homme, c'est bien avoir du vécu. Parmi les poufias, c'est haineux. J'ai survécu de PUBG avant d'être illicite. Balance ton dernier vœu. Maintenant que j'aurai du souffle, je pousserai des cris parmi les bruits. En attendant de m'en prendre dans le buffet par autrui. Tarantino, il porte ma sac, c'est le film. Et le scénario, c'est humeur pour moi d'infantile. Il porte un shit la délinquance. Insulte du shit, la merde sur chaque fréquence. Car il assume l'âge de ses conséquences. S'emparer de mon arme. C'est changer la séquence du film au bord de la rue pour pas finir en chien, j'affirme. Mon hip hop incite la délinquance. Insulte, suscite la merde sur chaque fréquence. Car il assume l'âge de ses conséquences. S'emparer de mon arme. C'est changer la séquence du film au bord de la rue pour pas finir en chien, j'affirme. Allez, noise zone, c'est la danse du trafic. Vêtu trio, n'oublie pas plein des trafic. Écoute mon son et on part pour incitation à l'émeute. Les risques de délinquants qui te font se suter la mammouth. Haute tension, un putain de son qui arrache. Ne teste pas, ta tête finira sous mes URH. Suffit d'un punchline pour que l'assassin me mette en tête. Pour les cons et les rigolos, j'ai ce qu'il faut sous le bed. Croyez en mon sang comme un italien au pape. Crois en mon flingue comme un gay, chanson cesse soupape. J'ai éteint la lumière et tu crois en l'apocalypse. À faire le faux fou, tu seras un nom de plus sur ma liste. J'entends cabine et tu te placardes comme dans l'agence touriste. Un son de barre, j't'ai prévenu, interdit aux touristes. Mon premier port de cagoule était en maternelle. Maintenant j'la porte même pour braquer Père Noël. Il prend pas shit la délinquance. Insulte du shit, la merde sur chaque fréquence. Car il assume l'âge de ses conséquences. S'emparer de mon arme. C'est changer la séquence du film au bord de la rue pour pas finir en chien, j'affirme. Mon hip hop incite la délinquance. Insulte, suscite la merde sur chaque fréquence. Car il assume l'âge de ses conséquences. S'emparer de mon arme. C'est changer la séquence du film au bord de la rue pour pas finir en chien, j'affirme. On cesse pas le feu chez nous. Pour être honnête, on joue à la passe avec le diable pour n'être plus dans le quartier à genoux. Commettre un crime dans le 9-3 est devenu facile. Comme à Détroit, une caisse 9-0, j'te mec qui est trop le feu. À la Courneuve, y'a rien de difficile. Quand tu fais tes preuves à peau, t'as la ligne d'un million de fils de pute tatoué sur la peau. Quand un bout court, faut que je l'ampute, c'est pas un jeu. Même sans troupeau, c'est toujours le même 9 mm qui sert en jeu. Cherche pas à nous la mettre. Car quand on se dispute, on est beaucoup à vouloir pister. Plus un grossiste, t'en rêves vendu plus beaucoup. Y'a plus d'espoir dans le hall. Quand on est une pute, on joue les rats. Car un point en taule, tu payes comme un scélérat. L'addiction de la rue, c'est l'opéra. L'attente du trafic et ma diction. Donc éloigne vite ton aura de ma malédiction. Hip hop délinquant, c'est pas de la science-fiction. La distrib, haute tension, artiste délinquant. Hip hop incite la délinquance. Insulte du shit, la merde sur chaque fréquence. Car il assume l'âge de ses conséquences. S'emparer de mon arme. C'est changer la séquence du film au bord de la rue pour pas finir en chien, j'affirme. Mon hip hop incite la délinquance. Insulte, suscite la merde sur chaque fréquence. Car il assume l'âge de ses conséquences. S'emparer de mon arme. C'est changer la séquence du film au bord de la rue pour pas finir en chien, j'affirme.